À l'occasion du 19e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée, du 71e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée et du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, les conférences ont eu lieu en Myanmar, en Finlande, en Autriche, en Hongrie, en Slovénie, au Venezuela, en Ouganda, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Guinée et au Niger. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. À la conférence tenue en Finlande, on a adopté le message à l'adresse du maréchal Kim Jong-un. Par ailleurs, à l'occasion du 90e anniversaire de la constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, Galiv Nawaz, président de la Ligue populaire du Bangladesh et président de l'Institut de la confiance en soi du Bangladesh, a publié un entretien.